Je veux ma maison bien ouverte, bonne pour tous les miséreux. Je l'ouvrirai à tout venant, comme quelqu'un se souvenant d'avoir longtemps pâti dehors, assailli de toutes les morts, refusé de toutes les portes, mordu de froid, rongé d'espoir, anéanti d'ennui vivace, exaspéré d'espoir tenace, toujours en quête de pardon, toujours en chasse de péché.